Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau mag sur Radioactive. Et aujourd'hui, on s'intéresse à une approche de plus en plus présente dans le débat public, la santé globale. Une manière de penser la santé qui ne se limite pas aux soins, mais qui englobe l'environnement, les habitudes de vie, la qualité de nos relations et même la manière dont nous habitons la planète. Et pour en parler aujourd'hui, nous recevons l'association Alliés Santé. Alors, nous avons donc deux invités aujourd'hui, Christine Bellhomme, présidente. Bonjour Christine. Bonjour. Et puis Florent Vasselin, qui est adhérent. Bonjour Florent. Bonjour. Alors donc, cette association, elle œuvre pour aider chacun à devenir acteur de sa santé, à développer son pouvoir d'agir et à encourager l'émergence de réseaux et de lieux qui croisent différentes disciplines. Alors on parle de médecine conventionnelle et non conventionnelle, on va revenir à toutes ces notions-là. Une vraie démarche intégrative. Et puis on parlera également d'une conférence que vous organisez, ce sera le samedi 6 décembre à Amboise. Et donc vous allez tout nous expliquer de cette conférence. Alors pour commencer, Christine, est-ce que vous pouvez présenter Alliés Santé ? C'est quoi la mission ? Même si on a déjà quelques éléments. Bien, donc Alliés Santé, c'est une association de citoyens, de patients et d'aidants qui ont envie d'être encore plus acteurs de leur santé qu'ils ne le sont aujourd'hui, avec une approche globale, intégrative, éco-responsable. Donc avec vraiment le fait de considérer toutes les dimensions de l'individu, c'est-à-dire aussi bien physique que émotionnel, mental, social, environnemental. Le fait justement d'intégrer tous les déterminants de santé, c'est ce que vous avez dit, l'environnement au sens large, dans une perspective one health, une seule santé, dont on entend aussi beaucoup parler. Alors donc vous parlez de santé globale, vous venez de l'expliquer, et cette approche-là, qu'est-ce qu'elle change par rapport à une vision plus classique de la santé ? On a parlé de la médecine conventionnelle, non conventionnelle. Est-ce que ces deux choses-là viennent se télescoper ? Est-ce que c'est complémentaire ? Alors, c'est éminemment complémentaire, ouais. Puisque la médecine conventionnelle s'intéresse principalement à la dimension physique de la personne. En plus, le plus souvent, en découpant la personne en morceaux, en parties, le pied, la main, la tête, voilà. Alors que l'approche globale, c'est vraiment le fait de considérer que tout est interconnecté, relié, évidemment sur le plan physique, mais aussi avec toute la dimension notamment émotionnelle et mentale. Et que pour aller mieux, il est indispensable de considérer tous ces éléments-là et pas uniquement la dimension physique. Dans vos actions, il y a cette idée d'aider chacun à devenir acteur de sa santé. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les écrits qui circulent sur Alliés Santé, notamment au travers des réseaux. Concrètement, comment on développe ce pouvoir d'agir ? Alors, Florent peut intervenir également. Hein. On écoute avec attention ce que dit Christine. Mais moi, je pense que ça part de sa propre initiative de base. Et après, c'est une question d'ouverture. Des fois, en fonction de des problématiques de vie, une fois on a fait le tour de la médecine conventionnelle, on essaie de chercher des fois d'autres alternatives. Des fois, de bouche à oreille, on va peut-être aller voir un ostéopathe pour un problème ou voir même un autre professionnel qui n'est pas forcément conventionné, mais qui est reconnu quand même en France. Et je pense que c'est comme ça que progressivement, on devient aussi acteur de sa santé, qui va nous apporter un autre regard sur soi et un autre regard peut-être de sa problématique de santé. Donc je pense que ça se fait progressivement. Il y en a qui vont peut-être y aller plus facilement que d'autres. Après, chacun son rythme et chacun en fonction de ses choix de vie. Mais je pense que ça commence un peu progressivement comme ça. Et dans cette ouverture et dans ses propres initiatives, d'aller vers d'autres domaines, d'autres champs thérapeutiques. Ouais. Mais pour ça, il faut avoir confiance dans ces champs thérapeutiques. Alors, je me fais un peu l'avocate du diable, mais y a-t-il encore des personnes qui se disent « Ouh là là, la médecine... » Les pratiques complémentaires, les thérapies complémentaires. Sont-elles réellement efficaces, hein ? Tout comme la question de l'homéopathie, à un moment donné, qui avait été mise au devant. Alors, peut-être juste pour... compléter un élément précédent, là, c'est, je pense qu'un ingrédient fondamental, c'est la curiosité. Et en effet, comme disait Florent, de se faire confiance et de prendre sa casquette un peu d'explorateur. Quand on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, par exemple, problème de santé, évidemment, le fait d'aller chercher et puis de se renseigner. C'est-à-dire, on n'est pas de l'ordre des croyances où on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, donc je le fais. C'est, j'ai un problème, je vais voir quelqu'un et puis je me mets aussi en veille de voir ce qui se passe pour moi. Est-ce que ça me fait du bien ? Est-ce que je me sens à l'aise ? Est-ce que j'ai confiance ? Est-ce que la personne que je vais voir m'informe de ce qu'elle va me faire ? Est-ce qu'elle fait ce qu'elle a dit qu'elle allait faire ? Ou est-ce que du coup, elle part sur des voies complètement différentes et je ne suis pas informée ? Est-ce qu'elle me respecte ? Puis à un moment donné, se dire, mais si je le sens pas, je peux très bien dire, bah, stop, et puis partir, en fait. Donc, bien sûr qu'il y a des dérives, qu'il y a des problématiques de comportement qui sont pas éthiques ou pas respectueux dans ce domaine-là, mais j'allais dire comme dans beaucoup de domaines. Oui, c'est sûr. Et donc, c'est à chacun, d'où l'intérêt justement de, quand on dit renforcer la capacité à être acteur de sa santé, c'est ça aussi, c'est aider les personnes à renforcer, alors ce qu'on appelle dans le jargon les compétences psychosociales, mais renforcer la capacité à bah peut-être à dire non, à dire stop, à dire ça ne me convient pas, et vraiment à se mettre à l'écoute de ce qu'elles ressentent, si ça leur fait du bien ou pas. Et est-ce que la non-prise en charge par la Sécurité sociale d'un certain nombre de praticiens de médecine alternative, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un frein justement aussi pour aller vers ça? Bah, je pense que c'est sûr que pour certaines personnes, ça peut être un frein d'avancer 50 ou 60 euros et de ne pas être remboursé. Je pense qu'il y a pas mal de gens. Peut-être qu'ils aimeraient aller vers ces champs, mais à la fois, la contrainte financière est une réalité aussi. Mmh. Après, pour trouver ces professionnels, c'est souvent de bouche à oreille. Quelqu'un qui me dit, ah tiens, c'était ostéopathe, c'était éthiopathe, éventuellement. Sachant que maintenant, toutes ces disciplines-là, la plupart des mutuelles rembourse une petite partie. Ouais. Donc, ouais, de plus en plus quand même. Il y a quand même cette reconnaissance-là quand même dans ces disciplines qui, je pense, fait maintenant partie du paysage de notre territoire et national, évidemment. Oui, bien sûr que la dimension financière peut être un frein. Et en même temps, on rencontre des personnes pour qui c'est un vrai choix de dire bah, l'argent que je mets dans ma santé, dans cette prise en charge, ou cet accompagnement plus exactement, bah, je ne le mets pas ailleurs. Et dans le film qu'on a pu réaliser sur le sujet, on a notamment interviewé une dame qui faisait plus d'une heure de route pour aller voir sa dentiste intégrative, enfin qui avait une approche globale de la personne. Et c'était une dame qui n'avait pas beaucoup de moyens, mais pour qui c'était important de le faire et qui se donnait les moyens d'eux. Alors évidemment, il y a des personnes qui n'auraient même pas les moyens de faire ça. Mais d'autres qui peuvent prioriser. Mais il y a quand même toute une partie de la population qui, dans l'absolu, aurait les moyens de le faire. Mais qui, voilà, par choix, et il n'y a aucun problème avec ça, mais qui, par choix, préfère faire autrement. Mmh. Et je ne vous ai pas posé la question au début d'émission, mais pourquoi l'un et l'autre, vous avez choisi de vous investir dans cette association? Pourquoi, Christine, aujourd'hui, vous êtes présidente d'Alliés Santé? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre parcours, à la fois personnel, professionnel, enfin, vous partagez avec nous ce que vous voulez, bien sûr, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes à ce poste-là, et puis vous-même, Florent, en tant qu'adhérent? Eh bien, moi, il y a un peu plus de 20 ans, c'était en 2001, en fait, j'ai été maman aidante d'un bébé qui a été gravement malade, dont le pronostic vital a été engagé. En fait, il a eu à 5 mois les mêmes symptômes que les personnes qui ont eu un Covid grave, donc un problème respiratoire. Il a été intubé, coma artificiel, donc il est vraiment passé très très près. Aujourd'hui, il va bien. Mais à l'époque, en plus, il se trouve que son foie supportait difficilement les médicaments et qu'il avait de la kiné respiratoire 2 fois par jour à l'époque. Et une kiné, à un moment donné, m'a dit « Est-ce que vous avez pensé à l'acupuncture ?» Et donc, je n'avais pas, moi, de connexion particulière avec un acupuncteur. Finalement, ça s'est fait. Et donc, on a eu la chance de croiser un acupuncteur de la région qui acceptait de piquer les bébés et qui l'a fait gratuitement pendant 1 an et demi. Oh. Et on a pu expérimenter la puissance, en fait, de cette médecine-là en approche globale. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai découvert ce que c'était l'approche globale en santé. Et puisqu'en fait, il m'a expliqué la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise. Et ça m'a paru être une évidence, voilà. Et donc, quelque part, l'aventure, en tout cas, les premières graines ont été semées en me disant, un jour, je travaillerai pour, voilà, essayer de promouvoir cette vision-là, qui n'est pas du tout antinomique avec notre médecine conventionnelle, bien mais sûr. Qui va au-delà, en fait, qui élargit, qui décloisonne et qui tisse des liens entre des sujets et des disciplines qu'on ne trouve pas dans le quotidien de la médecine conventionnelle. C'est touchant, enfin, bref. Touchant ce témoignage. Et vous, Florent? Pour ma part, j'étais invité par une amie, je m'en rappelle, ça se passait à l'époque à la salle des fêtes de Chargé, parce qu'à l'époque, Alliés Santé, il tournait, je crois, un petit peu sur les communes. C'était sur la douleur. Donc après, j'ai bien aimé l'ambiance qui s'y passait, les relations avec les personnes et puis toutes les valeurs et la philosophie de l'approche d'Alliés Santé. J'ai trouvé ma place assez facilement, dans l'écoute. Voilà, j'étais venu pour écouter. Pas forcément intervenir, parce que le choix d'Alliés Santé, c'est quand on vient, on peut venir juste écouter ou intervenir si on souhaite. Voilà, il n'y a pas d'obligation particulière. Et j'ai trouvé des gens très ouverts, très sympathiques, vraiment avec une très belle bienveillance, sans jugement. Bon, on comprend pourquoi vous êtes tous les deux partie prenante de cette association. Alors, on a bien sûr parlé de la santé globale. Je voudrais qu'on revienne sur la partie environnement, puisque vous insistez sur ce côté santé du vivant. Vous parlez de l'air, de l'eau, de la terre, de la nature. Pourquoi est-ce que c'est essentiel aujourd'hui d'intégrer l'environnement dans la notion de santé ? Bah, l'environnement, il est important depuis notre naissance. On arrive déjà dans une famille. Après, voilà, comment cette famille nous accompagne dans notre développement. Et puis, après, tout l'environnement, ce qui nous entoure, quelque part, de ce qu'on respire, de ce qu'on mange, des interactions extérieures, de l'air. Donc, l'environnement, il est large et vaste, de ce qu'on boit. Donc, tout ça, l'environnement nous poursuit tout au long de notre vie. Ouais. Et c'est vrai que cet environnement, s'il est sain depuis le départ, bah, on va se développer, évidemment, plus sainement. Évidemment, si on est dans une famille où il y a des problématiques, eh ben, on peut être affecté par cette problématique ou en fonction de ce qu'on consomme, de ce qu'on mange, ça peut avoir un impact sur notre santé. Ouais. Donc c'est vraiment l'environnement au sens large, de tous les éléments de terre, quelque part, de tout ce qu'il y a sur la terre, qui peut impacter de façon positive ou négative sur notre organisme, notre mental et émotionnellement aussi. Très bien. Christine. Et on sait aujourd'hui que les maladies chroniques non transmissibles se développent à vitesse grand V. L'OMS parle d'épidémie de maladies chroniques depuis 2006 déjà, donc c'est, voilà, ça fait une vingtaine d'années. Et on sait aujourd'hui bien oui, que l'environnement a un impact sur notre santé, que ce soit par l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la qualité des milieux en général, j'allais dire. Toute la dimension aussi d'exposition à différentes substances chimiques, tous les perturbateurs endocriniens. Voilà, on sait que tous ces éléments-là ont un impact sur notre développement et notre santé. Donc ça nous semble, à partir du moment où on parle de santé globale, une évidence de le considérer. Mmh. Les peuples racines, qu'on peut appeler aussi les peuples premiers ou autres, en fait, ont une vision justement très globale de la santé et considèrent que la maladie provient d'un déséquilibre, soit de soi avec soi, donc on va dire quelque part un déséquilibre de l'écologie intérieure, soit d'un déséquilibre avec la société dans laquelle on vit, son environnement humain, j'allais dire, ou social, ou de l'environnement, soit d'un déséquilibre entre soi et l'environnement qui les entoure. Donc voilà, ça semble une évidence et assez basique finalement. Ce qui demande à trouver l'équilibre parmi ces trois environnements-là. Alors, en tous les cas, vous, dans votre démarche, évidemment, l'idée, ce n'est pas de culpabiliser les gens sur leurs pratiques, leur mode de vie. Vous, ce que vous voulez, c'est informer. Et il y a notamment, je crois, des cafés santé qui sont régulièrement organisés pour échanger, pour justement informer. Oui, pour nous, il est important, alors, soit par des cafés santé, des ateliers ou des conférences, de permettre de croiser les regards sur des thématiques santé particulières, que ce soit la douleur, le stress ou des disciplines particulières, de croiser les regards pour bien ancrer ce « et » cet intégratif, c'est-à-dire que vraiment l'ADN de l'association, c'est d'être intégratif et non pas alternatif, donc de favoriser les ponts et les liens entre des domaines qu'on a tendance à opposer alors que nous on considère qu'ils sont éminemment complémentaires. Et pour nous, c'est des espaces qui sont aussi fondamentaux pour sécuriser tout ça, puisque on sait de toute manière que les personnes consultent et vont voir différents thérapeutes, différentes pratiques, expérimentent des choses, justement, et que dans ces espaces où la parole peut être libre, ça peut permettre aussi d'identifier bah justement des dérives, des problématiques. Et d'ailleurs, on a été amené dans le groupe à sortir un professionnel du groupe, parce qu'on a eu des remontées voilà, de choses qui n'étaient pas raccord avec notre charte et ce qui nous semblait... voilà. Et donc pour nous, la sécurisation, elle passe par la libération de la parole, par l'échange, par justement le fait de connaître plus de choses, d'être mieux informé, et non pas par le fait d'interdire, de cloisonner et de fermer. Pour nous, le fait de cloisonner, d'interdire et de fermer fait le lit, justement, des problématiques et des dérives qu'il peut y avoir, puisque globalement, personne ne sait ce qui se passe. bon, voilà. Florent, partagez cette... Tout à fait, je rejoins Christine sur tout ce qu'elle vient de développer. Hein. C'est vrai qu'après, l'information, c'est le départ de la communication, de pouvoir informer. Après, libre à chacun d'en faire ce qu'il veut de cette information. Mais l'important, c'est de pouvoir informer sur le territoire comme ce qu'il existe éventuellement.

la la la la la la la la la la. Coldplay sur Radioactive, vous êtes toujours en compagnie de Christine Bellhomme, présidente d'Alliés Santé, Florent Vasselin, adhérent dans le MAG sur Radioactive. Alors Alliés Santé, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une association qui œuvre pour aider chacun à devenir acteur de sa santé, développer son pouvoir d'agir. On l'a déjà expliqué évidemment en début d'émission, mais si vous nous rejoignez, vous avez raté quelque chose sur cette première partie d'émission. Plein d'échanges intéressants et voilà, une vraie démarche intégrative. Ce week-end a lieu, alors ça c'est important, prenez note, ce samedi 6 décembre de 10h à midi à Amboise, une conférence sur l'épigénétique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot qui peut intimider certains de nos auditeurs ? Est-ce que Christine, vous pouvez nous en dire plus ? Alors, en fait, on ne va pas faire la conférence avant la conférence, mais juste pour dire que donc, l'épigénétique, c'est l'impact de l'environnement sur nos gènes. Donc, habituellement, on a l'habitude de dire « Ah, c'est génétique, donc ça veut dire que je ne peux rien faire ». Et en fait, l'épigénétique montre justement qu'on peut faire des choses puisque l'environnement modifie l'expression de nos gènes. On a tous des gènes, ils sont là, ça, ça ne change pas. Mais après, ils s'expriment ou ils ne s'expriment pas. Et on a un pouvoir d'agir sur le sujet. D'où le fait que Alliés Santé, qui travaille sur le pouvoir d'agir, s'intéresse à cette thématique-là. Donc par exemple, Florent, qui m'a confié juste avant l'émission qu'il faisait du yoga. Est-ce que par exemple, la pratique du yoga, dans ce qu'elle peut apporter d'épanouissement personnel, est-ce qu'elle peut modérer l'action de gènes qui pourrait être défavorable ? Alors là, je ne sais pas si ça bloque, mais en tout cas, ça peut sûrement débloquer certaines choses. Et dans le yoga, souvent les gens s'imaginent des postures, mais il y a certes les postures, mais il y a surtout la respiration, ce qu'on appelle le pranayama au yoga. Et le pranayama ramène un petit peu ce calme intérieur, permet de ralentir l'activité cérébrale. Et je ne dis pas que ça va peut-être modifier les gènes, mais ça peut peut-être apporter de l'apaisement et de la sérénité à la personne en fonction de là où elle se trouve, elle. Parce que c'est vrai qu'on peut... Voilà, chaque personne est différente. Et peut-être qu'à cet instant-là, ça peut lui apporter quelque part cette forme de détente et de relâchement par rapport à certaines situations de sa vie. Parce que chaque situation est différente et chaque séance est différente. Bien sûr. Et le yoga, c'est un peu la découverte de soi. Et la personne va expérimenter à travers différentes séances peut-être l'apport de ce mouvement qu'est le yoga. Ouais, à travers le... Voilà, ce que je voulais mettre en avant dans la question que je posais, c'était justement l'impact d'une activité physique, par exemple, puisque ça fait partie de son environnement personnel. Et surtout que, pour le coup, ce qu'on sait, c'est que le stress est un des facteurs qui contribue... qui a un impact fort, notamment justement en matière d'épigénétique. Et donc voilà, le yoga et d'autres pratiques qui peuvent limiter le stress, contribuent à un équilibre global. Ah, et finalement, c'est plutôt cette approche-là qu'il faudrait d'abord avoir, j'imagine. Surtout le stress oxydatif, celui-là qui nous oxyde. Ouais. Ah oui. Qui oxyde l'organisme. C'est le pire, celui-là. C'est le pire. Parce que... Et le professeur Emmanuel Ruche qui va intervenir justement samedi matin pour discuter avec nous d'épigénétique est un professeur de santé publique et qui travaille beaucoup sur tout ce qui est prévention, promotion de la santé et qui fera le lien justement entre cette fameuse expression des gènes à l'origine du déclenchement de certaines pathologies et toute la démarche préventive et de promotion de la santé et justement ce qu'on peut faire pour créer des conditions favorables à la santé plutôt que l'inverse. Mais souvent on se dit, vous n'êtes pas la première à qui je vais poser cette question, mais en matière de santé, souvent on sait ce qu'il ne faut pas faire. Mais pourquoi on le fait quand même ? Qu'est-ce qui nous amène à... On le sait qu'il faut manger équilibré, on sait qu'il faut faire une activité sportive, on sait qu'il y a quand même un certain nombre de recommandations qui sont logiques, évidemment, mais on passe parfois à côté alors que c'est si simple finalement. La gestion du changement. Ouais. Changer d'habitude. On a fait un atelier d'ailleurs sur changer mes habitudes santé, ouais. Avec des témoignages de patients, de patients et de personnes en bonne santé, qui expliquaient justement les stratégies qu'elles mettaient en place pour modifier leurs habitudes. Mais c'est un travail de longue haleine, avec parfois des rechutes. Je pense que dans le champ de l'addiction, par exemple, il y a fort à dire sur le sujet. Oui, et puis l'environnement, on ne le choisit pas toujours. Enfin, je veux dire, on peut être très surmené et ce n'est pas de notre fait, parfois. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. C'est plurifactoriel, quelque part. Il y a différents facteurs qui rentrent en compte. Mais en tous les cas, il existe sûrement pour chaque personne une, alors j'allais dire une alternative, mais j'ai bien compris que c'était pas le mot adapté, mais quelque une chose pratique. Qui, une pratique, voilà, qui puisse modérer peut-être les choses. Ce qu'on dit en fait, c'est le fait d'élargir justement et d'ouvrir un champ des possibles, c'est que pour chaque personne, trouver la bonne pratique au bon moment pour la bonne personne. Et cette notion de moment est aussi importante puisque selon les périodes de la vie, les contextes, les états de santé, une pratique peut voilà, être bénéfique à un moment donné, puis se rendre compte que finalement, 6 mois, 1 an, 5 ans après, bah, voilà, cette pratique-là est pas forcément, n'est plus forcément la bonne, et parce qu'on est passé sur d'autres sujets, on a d'autres problématiques, il faut changer de pratique. Donc là encore, du changement. Donc il faut se réhabituer à un nouveau changement. De toute façon, je pense que la vie nous invite au mouvement, à l'adaptation permanente, et que le chaos dans lequel on est actuellement nous malmène sur ce sujet-là, sur cette dimension-là. Donc, savoir s'adapter au changement, c'est une force qui me semble indispensable. Voire peut-être une question de survie. Hein. Dans certaines situations, voire peut-être une question de survie. Ouais. Alors, si on a des auditeurs qui sont à l'écoute de cette émission et qui se disent « Oh, ça a l'air intéressant, mais je ne sais pas tellement si c'est pour moi. » Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs qui hésitent encore à venir à cette conférence qui aura lieu, je le rappelle, samedi de 10h à midi. C'est gratuit. C'est à la Maison des Associations, donc pratique pour se garer, un lieu très convivial, très, très pratico-pratique. Pourquoi il faut venir ? Parce que c'est vrai, quand on entend épigénétique, ça parle pas à grand monde. Moi, en premier, au départ, quand j'ai entendu ce mot, ça me parlait pas spécialement. Mais après, quand on commence un peu à comprendre le mécanisme et qu'est-ce que ça génère, l'épigénétique, sur chacun de nous, je pense que ça peut parler à tout le monde. Parce qu'on est tous liés à un environnement, voire plusieurs environnements de vie. Et c'est vrai que c'est un sujet qui parle à toute génération, quelque part. Oui, soit tout le monde est concerné. On peut dire de l'adolescent jusqu'à la personne un peu plus âgée. Ouais. Avant l'adolescence, Christine tout à l'heure évoquait le cas de son bébé. Je dis l'adolescent, c'est vrai que oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est encore plus large. Ouais. Ouais. Dès la conception, on peut dire, quelque part. Complètement. Justement, j'allais évoquer les femmes enceintes. C'est sûr que toute la période de préconception et de la grossesse est un moment où il est particulièrement important de s'intéresser à sa santé, à son environnement, puisqu'on sait que voilà, le bébé ressent tout, vit tout, et puis qu'il se forme et qu'il se développe dans cette atmosphère-là et dans cet environnement-là. Et plus on peut prendre soin de cet environnement, mieux c'est. Et puis sur le pourquoi venir, moi je dirais que ces ateliers sont toujours un temps où on échange de manière sympathique, animée, souvent on rit beaucoup. Et puis c'est pour ça que Florent est resté, hein, c'est ce qu'il évoquait tout à l'heure, c'est cette ambiance très sympa. Et puis c'est l'occasion aussi d'échanger d'égal à égal avec le professeur Emmanuel Ruche, les autres personnes qui seront présentes dans la salle. C'est un espace où on peut croiser les regards librement et facilement, voilà. Ça répond complètement et très très bien à la question. Et puis on a même dit qu'à la fin il y aurait un petit pot, on terminerait autour d'un verre, donc certains peuvent être intéressés par eux. Ça ne peut rien gâcher, évidemment. Eh bien ce sera donc samedi 6 décembre, 10h midi, donc à la Maison des Associations d'Amboise, cette conférence sur l'épigénétique. Un rendez-vous qui va permettre de comprendre comment chacun peut devenir acteur de sa santé dans un monde qui bouge sans cesse. Merci beaucoup à l'association Alliés Santé d'être venue nous éclairer sur cette vision large et vivante de la santé. Merci Christine Bellhomme, présidente. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. Merci Florent Vasselin, adhérent. Merci de votre accueil à Radioactive. Merci beaucoup. On se quitte et on se retrouve très prochainement pour un nouveau mag sur Radioactive. Dans cette attente, portez-vous bien et de manière globale. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.